Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphresne. Samedi prochain, 1er décembre, à 15h, à la cathédrale Notre-Dame, sera inaugurée la chapelle dédiée à Notre-Dame de Częstochowa, représentée par un tableau offert par les pères paulistes gardiens de la Noire Madone. Une messe solennelle organisée par l'ambassade de Pologne en France et la mission catholique polonaise, en présence des autorités ecclésiastiques et politiques de la France et de Pologne, aura lieu donc. C'est bon de le préciser parce qu'en Pologne se déroule un autre événement, c'est la COP24 qui n'a rien à voir à Katowice, et sans doute que les médias mainstream, comme on dit, focaliseront davantage l'attention là-dessus. C'est quand même un événement diplomatique marquant. Marquant quoi ? Eh bien le centenaire de l'indépendance de l'État polonais, parce que c'est aussi pour cela que Mgr Stanislas Jerzy est là ce matin. À l'issue de la Première Guerre mondiale et après 123 ans de partage entre les trois puissances voisines, la Pologne retrouve en effet sa souveraineté le 11 novembre 1918. On a beaucoup parlé de la France, mais peu de la Pologne à ce moment-là. Alors, dans l'esprit des Français, la Pologne est un pays ami en raison de sa vieille tradition catholique, du contrepoids qu'elle représente face à la puissance allemande, du rôle de Solidarność dans les années 80, dans la lutte anticommuniste. Tout cela fait beaucoup de choses. Mais les choses se jouent désormais au niveau européen. Au sein du groupe de Visegrad, Varsovie s'oppose à Bruxelles au sujet de plusieurs questions un peu tendues. La politique migratoire, l'avortement par exemple. On va voir ce qu'en pense Mgr Stanislas Jerzy, qui est avec nous ce matin, ancien recteur de la mission catholique polonaise. Bonjour Mgr. Bonjour. Est-ce que l'on peut prendre la mesure de l'événement de samedi prochain ? Bien sûr, dans le contexte que la Pologne vient de fêter les 100 ans de son retour à l'indépendance. Justement, c'est le jour où la France a commémoré l'armistice. Et alors, je voudrais souligner le retour à l'indépendance, parce que pendant ces 100 ans, et d'abord, c'était les années de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, les années terribles. Et ensuite, après la guerre, nous étions libérés de la liberté et offerts comme cadeau à l'Union soviétique. Et justement, c'est le rideau nous trouvions derrière le rideau de fer et la Pologne. Et c'est pour cela que les manifestations de la liberté en Pologne étaient grandioses ces derniers temps. Et je voudrais évoquer que justement nous avons rendu grâce à Dieu en précisant que la définition de la liberté pour la grande majorité des Polonais, c'est la devise « Dieu, honneur, patrie ». Et pendant la grande manifestation du 11 novembre patriotique, au moins 250 000, certains disent que même 300 000 Polonais exprimaient leur joie qu'enfin la Pologne devient libre. Malheureusement, certains journaux ici en Occident ont parlé d'une manifestation des nationalistes, des fascistes. Je regardais de près, et même hier, je parlais avec les témoins et participants de la manifestation. Ils ont dit que c'était surtout c'était des patriotes, c'était des familles entières qui sont venues converger vers Varsovie pour justement exprimer leur joie. Dans quel esprit? C'était Te Deum Laudamus, c'est-à-dire dans toutes les églises, le matin, le 11 novembre, on chantait Te Deum Laudamus pour la liberté retrouvée, parce qu'on connaît le prix de cette liberté. Vous savez, la Pologne a disparu pendant 123 ans de la carte de l'Europe. Alors, aussi à midi, à l'invitation du président, les Polonais dans la Pologne tout entière chantaient l'hymne national. Voilà. Et le gouvernement polonais manifeste actuellement ont manifesté ou manifestent l'alliance avec la sagesse éternelle. Et vous vous sentez proche de lui ? Oui. L'année dernière, le président, avec la plupart c'est-à-dire les membres du gouvernement, à Wagiewniki, à côté de Cracovie, dans le centre de la miséricorde divine, ont consacré la Pologne au Christ roi. Et ça, on n'a pas parlé beaucoup, justement, parce que nous voulons être fidèles. La France doit vous dépayser. Non, je pense que la France, la fille aînée de l'Église, devient au fur et à mesure la fille fidèle de l'Église. Il y a des choses formidables qui se passent. Je suis témoin depuis 30 ans, même plus ici en France, de tous ces événements qui se passent au sein de l'Église, et surtout au sein de l'Église de Paris. Une grande évolution, et une renaissance extraordinaire. Non. Déjà, mais en France, Monseigneur, vous n'avez pas cette alliance du trône et de l'autel que la Pologne semble incarner aujourd'hui. C'est difficile de parler d'une alliance, mais la Pologne est entrée en Europe par le baptême. 966, et ont voulu, au cours de l'histoire, il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de problèmes, mais il y avait aussi de cette formidable vie grâce au christianisme qui était l'âme de la nation polonaise, même pendant le partage de la Pologne, et surtout pendant le partage de la Pologne. La nation polonaise a survécu grâce précisément à la foi chrétienne, ou du moins catholique, évidemment. Bien sûr, oui. Alors, Monseigneur, on va voir votre itinéraire, si vous le voulez bien. C'est au sud de Cracovie, donc. Vous voyez le jour en 1945, une enfance marquée par une maladie grave. Vous avez à peine 8 ans lorsque, malgré tous les soins, les médecins vous condamnent. Ce que vous ne saviez pas à l'époque, c'est que pour votre guérison, vos parents ont fait dire une neuvaine au sanctuaire de la Transfiguration du Seigneur. Marion Duchesne. Mon père a prié le Seigneur et lui a promis que je deviendrais prêtre si je guérissais. Cette histoire, Monseigneur Stanislas Gèze ne l'a apprise que lorsqu'il a célébré sa première messe, car contre toute attente, il a choisi de se consacrer à Dieu. « J'ai été très marqué par la figure d'un prêtre de ma paroisse pendant ma jeunesse », dit-il. Le jeune Stanislas rejoint donc le séminaire de Tarnów sans le dire à ses parents. Il est ordonné prêtre à l'âge de 23 ans. 3 années de service pastoral en Pologne. Parallèlement, le père Stanislas Gèze débute un doctorat à l'Université catholique de Lublin. Alors que Paul VI demande des prêtres missionnaires pour le Congo-Brazzaville, son évêque lui propose de partir, lui laissant 3 jours de réflexion. « Je lui ai répondu que c'était la volonté de la Providence et que je n'avais pas besoin de réfléchir », raconte Monseigneur Stanislas Gèze. En 1972, le voilà donc missionnaire Fidei Donum au Congo, 5 années à Oyo, puis 3 à Brazzaville, comme vicaire à la paroisse Jésus ressuscité. Victime d'un paludisme inguérissable, le père Stanislas Gèze rejoint l'AED, l'aide à l'Église en détresse, était la seule à l'époque à nous soutenir au-delà du rideau de fer. Durant 7 ans, le père Stanislas Gèze parcourt la France, qui devient sa deuxième patrie, avant d'être nommé recteur de la mission catholique polonaise. L'occasion pour celui qu'il avait déjà rencontré alors qu'il était jeune séminariste de revoir Karol Wojtyła, devenu Jean-Paul II. « Je me souviens, raconte Monseigneur Stanislas Gèze, alors qu'il était déjà très malade, Jean-Paul II nous avait dit qu'avec Jésus, on ne pouvait pas toujours être aux noces de Cana, qu'il fallait de temps en temps être au désert, dans le jardin des Oliviers ou même sur le Golgotha. Celui qui a aussi rencontré Benoît XVI et le pape François dit être très heureux de servir l'Église de France depuis plus de 30 ans, malgré les différences culturelles. Cette expérience a été pour moi une surprise dans ma vie, conclut Monseigneur Stanislas Gèze, qui se dit très attaché à l'Église universelle et à cette parole du Christ, « La vérité vous rendra libre ». Portrait signé Marion Duchesne. Plusieurs éléments, Monseigneur, à prélever dans votre portrait. Le premier, c'est que vous avez rejoint le séminaire, donc sans le dire à vos parents. Oui. Je suis parti à Tarnów, dans la ville où il y avait le séminaire. Et au retour, quand on m'a accepté ma candidature. Voilà, j'ai annoncé à mes parents. Mais parce que vos parents y étaient opposés ? Non, non, pas du tout. Au contraire, mon père a prié toute sa vie que un de ses fils soit surtout moi, à cause justement de cette maladie que j'étais guéri et que je deviens prêtre. Mais d'ailleurs, il n'a pas voulu m'influencer. Il a toujours prié tous les jours. Je l'ai vu avant de partir au travail. Hein. Il était à 6 heures du matin à la messe. Mais il m'a seulement annoncé quelles étaient ses intentions pendant la première messe que je célébrais dans ma paroisse natale. Donc il ne voulait pas influer sur votre choix. Non, il n'a pas du tout. Vous vous reconnaissez comme miraculé ou pas, hein? C'est difficile à dire, j'avais 8 ans, alors je connais l'histoire. Que mes parents sont persuadés, oui, parce qu'un médecin a eu l'audace de dire « nous ne pouvons plus rien ». Mais il y a un autre médecin qui est en haut, alors adressez-vous à lui. Alors, Monseigneur, est-ce qu'il y a encore beaucoup de familles polonaises qui envoient des jeunes dans le clergé aujourd'hui ? C'est difficile à répondre à cette question, mais c'est-à-dire parce qu'il y avait une période où 2 millions de Polonais sont partis de Pologne, c'est surtout à l'âge productif, les familles entières sont, pendant les gouvernements précédents, c'est-à-dire pendant, ils étaient au moins au pouvoir pendant 8 ans, ils faisaient tout pour que les Polonais partent de la Pologne. Vous voulez dire après la chute du mur ? Oui, la chute du mur et aussi les gouvernements libéraux qui précédaient ces gouvernements actuels. La politique, c'était la politique émigratoire. Oui. Ah, c'était voulu? Voulu, pourquoi? Oui. Ah, parce que c'était que ça évitait beaucoup plus facilement les problèmes économiques sur place. Et aussi, je pense que c'était dans le programme général de l'Union européenne, diminuer le nombre de Polonais en Pologne, et ce sont surtout intelligentsia, les forces vives de la nation qui sont parties. Attendez, vous nous dites que l'Union européenne voulait que les Polonais quittassent la Pologne. Je pense, parce que j'ai eu l'impression que le pays qui est affaibli, qui n'a plus justement à la tête de déjà l'intelligentsia était décapitée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, dans le système communiste, quand même, il y avait ceux qui étaient les plus actifs, n'étaient pas d'accord avec le système sur place. Et alors, ils quittaient. Et l'Union européenne favorisait justement ce mouvement. C'est mon opinion. Certains disaient que... Oui, mais à l'époque, c'était pour recevoir des prisonniers politiques ou des choses comme ça, non? Les prisonniers politiques aussi, oui, parce qu'il y avait pendant l'état de guerre en Pologne, de Jaruzelski, général Jaruzelski, il y avait des dizaines de milliers de gens qui ont reçu les passeports seulement pour et les billets pour partir, mais pas pour revenir justement dans ce pays. Oui, c'était une politique aussi de laisser partir les personnes qui pouvaient être gênantes pour le régime. Bien sûr. Mais oui, aujourd'hui la politique menée par le gouvernement polonais, c'est plutôt de faire revenir les Polonais en Pologne. Oui, bien sûr, oui. Et je connais pas mal de familles, les familles entières, qui sont reparties en Pologne, qui, après avoir Vous avez reçu une expérience ici, gagné un peu d'argent. Maintenant, ils sont repartis en Pologne avec leurs enfants. Il y a beaucoup de familles qui envoient actuellement les enfants pour étudier en Pologne. Et ce sont futurs citoyens de l'Europe, parce que la plupart des polyglottes, etc. Et le gouvernement a une politique pro-familiale. Vous savez, pendant 10 ans, il y avait plus de décès en Pologne que de naissances. Et actuellement, il y a un mouvement qui est renversé. Et grâce à la politique pro-familiale du gouvernement qui donne pour chaque enfant 500 zloty, en plus de l'allocation familiale. Et alors, 500 zloty, c'est pour vous un peu. C'est exactement 125 euros par enfant. En Pologne, c'est. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Oui, c'est ça, oui, c'est très important. Et il y a même pour l'année scolaire, commencer l'année scolaire, il y avait aussi des subsides, etc. Tout ça, je trouve que c'est formidable parce que, comme disait Saint Jean-Paul II, si l'église domestique se porte bien, la famille se porte bien, la société se porte bien. Pour répondre à ma question, Monseigneur Gèze, ça veut dire que les Polonais, il y a beaucoup de vocations au sein des familles polonaises aujourd'hui. Il y a encore, c'est dommage, il y a moins de vocations féminines, des religieuses, mais il y a toujours, il y a une diminution, mais il y a toujours des vocations, oui, heureusement, oui. Parce que je ne sais pas si vous acquiescerez à cela, mais ça paraît être une idée assez commune. La persécution favorise les vocations. Or, la Pologne peut, l'image de Jean-Paul II, à la fois le régime communiste, le régime nazi, etc., le glacis ensuite soviétique, tout cela a créé un climat finalement assez favorable pour l'Église. Oui. Ça semble être moins le cas depuis que la Pologne est entrée dans l'Union européenne et que là, c'est l'ère l'émancipation des mœurs qui s'est répandue. Non ? Je trouve qu'il y a un combat terrible, qui entre la vision chrétienne de la Pologne et païenne, entre les biens et les mal, et tous ces mouvements comme les mouvements homosexuels ou les autres mouvements féministes ou anarchistes sont favorisés en Pologne, même les partis d'opposition actuellement, c'est pas un secret, est financé de l'extérieur pour un peu désunir la Pologne, affaiblir la Pologne. Et vous savez pourquoi? Parce que je pense que premièrement, nous ne sommes pas politiquement corrects. Pourquoi? Parce que, justement, nous défendons des valeurs chrétiennes. Et en Europe, on s'affiche en tant que catholique, en commençant par le gouvernement et aussi les citoyens. Nous voulons vivre justement notre foi. Mais dans le cadre d'un État qui reconnaît cette dimension-là. Bien sûr. Et qui milite dans cette dimension-là. Oui, qu'est-ce que vous pensez, Monseigneur? Parce qu'on a dit dans votre portrait, c'est l'autre point sur lequel je voulais réagir. Malgré, vous avez dit, vous avez rencontré Benoît XVI, le pape François, vous dites être heureux de servir l'Église en France depuis plus de 30 ans, malgré les différences culturelles. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Parce qu'on sait bien qu'il y a une différence, enfin c'est assez net pour nous qui sommes aussi allés à Cracovie pour les GMJ par exemple, qu'on voit bien qu'en Pologne, c'est une expression du catholicisme un peu old school, un peu ancien régime, par rapport à un catholicisme moderne qui a évolué en Occident sous des formes tout à fait différentes, qui s'est détaché en fait du politique, qui s'est largement détaché des traditions au sens large, qui est plus une posture intérieure. En Pologne, il n'y a pas de l'alliance entre le gouvernement et l'Église. Il y a les concordats. il y a le concordat, mais l'Église a joué toujours un rôle primordial dans la vie sociale. Nous voulons appliquer la doctrine sociale de l'Église dans la vie politique aussi. Et ce que chrétiens laïcs, même ceux qui gouvernent, acceptent justement par leurs convictions. C'est pas par un fanatisme ou quelque chose, c'est pour le bien de la patrie, pour le bien de la nation. C'est pour ça, dans ce contexte actuel, il y a un très grand combat avec la corruption. Le gouvernement actuel combat la corruption et il veut passer les réformes, par exemple législatives, juridiques, etc. C'est pour vous dire que le gouvernement précédent uniquement TVA. Ils ont détourné 250 milliards actuellement grâce à ces contrôles beaucoup plus stricts de TVA. Par exemple, ils ont retrouvé presque 200 milliards de Donc l'Église mène un combat, ou en tout cas soutient le gouvernement actuel dans une lutte anticorruption, c'est ce que vous nous dites. Mais c'est normal. Un chrétien ne peut pas être corruptible normalement. C'est pas l'éthique situationnelle qui doit dominer, c'est justement l'éthique chrétienne qui doit être inspiration dans notre vie quotidienne. C'est ça. Nous voulons vivre chrétiennement malgré nos faiblesses. On a passé aussi. Ça passe par des lois. Oui, c'est ça. Pour vous, ça passe par le chemin politique. Oui. Et alors qu'en France, ça passe plus par ça. En France, il n'y a plus de combat législatif. Mais c'est dommage. Mais, ma connaissance. Il faut défendre quand même la vie. Il faut défendre les couples. Il faut défendre sur certains enjeux à venir. La famille, c'est ça qui est la base de la société. Et ensuite, l'inspiration dans tous ces combats, c'était Saint Jean-Paul II. Oui, d'ailleurs, il a joué aussi un très grand rôle dans la liberté de la Pologne. Vous savez, quand il dit qu'à Częstochowa, la capitale spirituelle de la Pologne, nous étions toujours libres, oui, que c'est là-bas qui bat le cœur de la nation polonaise. Il touche l'essentiel. Quand il invoquait l'Esprit Saint, la place de la victoire, vient l'Esprit et renouvelle la face de cette terre. C'était les moyens surnaturels de rénovation. Monseigneur Stanislas Jez, vous restez avec nous. On parle toujours de la Pologne, 100 ans après le retour à l'indépendance. Le grand témoin, la rediffusion. Monseigneur Stanislas Jez est avec nous ce matin, ancien recteur de la mission catholique polonaise. Il y a bien sûr un prétexte pour parler de la Pologne. C'est le centenaire de l'indépendance, du retour à l'indépendance en 1918. On peut dire que les années en 8 sont des années peut-être bénies pour vous, puisque 1978, c'est l'accession au trône de pierre de Jean-Paul II. Alors le partage de la Pologne, on peut en parler, on ne va pas forcément faire beaucoup d'histoire parce que je voudrais quand même parler d'actualité. Monseigneur Jez, 1772, 1793, 1793, la Pologne a été dépecée à plusieurs reprises par ses voisins. Est-ce qu'aujourd'hui la Pologne est en paix avec son voisinage? Il y a, on le disait à l'instant, il y a des tensions fortes entre la Russie et l'Ukraine. On le voit en mer d'Azov aujourd'hui. La Pologne compte sur les États-Unis pour se protéger militairement et les relations sont très fortes entre la Pologne, l'OTAN et les États-Unis, plus qu'avec peut-être l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un pays stable, un pays confiant? Monseigneur Jez. J'ai l'impression que par rapport à ces pays, on pratique des poids et des mesures vers la Pologne, c'est-à-dire l'Union européenne. Et surtout que nous ne voulons pas être des parias dans nos relations, même j'oserais dire l'esclave, mais les partenaires. du point de vue du dialogue politique, du dialogue d'échange et aussi économique. Et aussi, nous n'acceptons pas l'Europe à deux vitesses. Nous voulons l'Europe des nations, pas des régions, mais des nations qui respectent notre situation, justement, géopolitique. Et autrefois, nous étions à genoux devant les Russes et aussi devant les Allemands. Maintenant, nous voulons être des partenaires dans l'échange. Et c'est pour ça, et justement, on veut progresser dans les réformes. Il n'y avait pas d'illustration en Pologne. Et, par exemple, l'illustration, ce sont les lois sur la mémoire. Hein. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'y avait pas de... les communistes sont toujours au pouvoir. En Pologne, là ? Mais c'est-à-dire... Alors là c'est un scoop. C'est-à-dire, par exemple, dans l'appareil judiciaire. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, tous ceux qui, pendant l'état de guerre de Jaruzelski, ont jugé et persécuté les Polonais, maintenant, ils sont dans les tribunaux de Pologne. C'est ça. On a voulu les envoyer à la retraite, parce qu'à 65 ans, n'est-ce pas, l'Union européenne a dit non. Il faut qu'il revienne. Qu'il revienne au travail. Et le gouvernement Kaczynski ne peut pas les congédier, n'a pas voulu les congédier. On essaye de dialoguer toujours. On n'a jamais utilisé la force. Je pense qu'un pays n'a pas besoin de l'Union européenne pour changer son appareil judiciaire. Mais justement, ces interventions de la Commission européenne sont injustes, sont illégales. Mais on dialogue, on essaye de respecter... parce que nous nous sentons européennes. D'ailleurs, nous étions toujours en Europe, la Pologne. Et en plus, quand on est entré dans l'Union européenne. Alors, c'est pour ça, dans les contextes actuels que vous venez d'évoquer tout à l'heure, par exemple, la guerre en Ukraine, n'est-ce pas ? Et on dit que l'Union européenne n'a jamais reconnu que nous avons accepté presque 2 millions d'Ukrainiens en Pologne. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faut être musulman pour être considéré comme réfugié. Voilà, considéré comme réfugié. Et nous avons 2 millions d'Ukrainiens, parce que la guerre, alors, du point de vue humain, la Pologne soutient le gouvernement ukrainien actuel? Il soutient le peuple ukrainien qui souffre, oui, qui est envahi, qui est déplacé. Qui est fait en Russie ou en Pologne pour vous ? En Russie ou en Ukraine pour vous ? La ville de Kiev est en Russie ou est en Ukraine ? En Ukraine, oui. Est-ce qu'elle est aussi en Russie ? Non, je pense qu'elle est. C'est justement, on veut démembrer l'Ukraine, le pays qui n'a pas beaucoup d'histoire, mais justement, ouais, c'est pour ça on le défend. Lviv, c'est polonais. C'est de culture polonaise. Autrefois, oui, c'était. Vous seriez pour dire, ce serait normal que la Pologne recouvre un espace qui correspondait peut-être à un territoire assez important à l'époque de l'alliance avec la Lituanie. C'est que dernièrement, même la Russie a proposé en provocation. Nous acceptons les frontières actuelles de la Pologne. Et deuxièmement, parce que vous avez touché les problèmes des émigrés. Et notre politique, c'est aider tous ces émigrés dans leur pays. Par exemple, la Pologne, pour vous donner un petit détail, l'année dernière, le gouvernement polonais a dépensé 197 millions d'euros pour aider dans les camps de réfugiés au Liban, des Syriens, en Jordanie, en Syrie. Nous avons adopté 3000 familles d'Aleppo pendant Alep, pendant une année, Hein, on a pris en charge, on reconstruit des hôpitaux, et on envoie les matériels médicaux là-bas sur place. Je pense que c'est beaucoup plus logique. D'ailleurs, tous les évêques clament qu'on aide là-bas les réfugiés sur place, même déplacés, ou les gens sur place, de refaire, de reconstruire leur pays, n'est-ce pas? Alors, Monseigneur Gès, quand le pape François dit il faut accueillir les migrants. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec lui? Non. Non, c'est seulement. Mais il a dit aussi qu'il faut, selon nos possibilités, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Il faut les accueillir dignement. Mais il faut avoir la possibilité de les accueillir dignement. Il n'y a pas la possibilité de les accueillir dignement en Pologne aujourd'hui? Si, on les accueille. Et on les accueille parce qu'il y a des gens de Kazakhstan, de Ouzbékistan qui viennent en Pologne. Et dernièrement, on a reçu 3 000 et ce sont aussi des musulmans. Il y a 40 000 Vietnamiens autour de Varsovie qui sont là-bas en Pologne. Alors, qu'on ne raconte pas des bobards, des histoires que la Pologne est contre les émigrés. On accueille, mais on veut accueillir dignement, hein, pas dans la rue, hein, mais on veut, et pas les gens imposés, sans identité, mais les gens qui veulent s'intégrer dans la vie de la société, d'accepter la culture d'une nation, et vivre, et au moins être reconnaissant qu'ils sont accueillis. L'islam vous fait peur? Oui, parce que pour moi, mon expérience de l'Afrique, hein, pour moi, c'est pas une religion, je vais vous choquer, c'est un système sociopolitique, hein, à coloration religieuse et inspiration théocratique. Hein. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais réconcilier avec la démocratie. Les Américains ont commis, et les autres Européens ont commis des fautes primordiales, hein, parce que théocratie et démocratie, ça ne marche pas, c'est comme le feu et de l'eau. Et en plus, la seule loi qu'ils reconnaissent, ils disent ça ouvertement, c'est la charia, qui englobe complètement l'homme dans la communauté humaine et qui veut contrôler surtout la femme dans les moindres détails. Au Congo-Brazzaville, vous avez eu aussi cette expérience-là. Oui, et maintenant, j'étais un peu effrayé parce que quand je suis allé au mois de novembre au Congo-Brazzaville, hein, justement pour la statue du martyr cardinal Émile Bienda, que les mosquées poussent comme des champignons, financées par l'Arabie Saoudite et Qatar. On paye la dot très cher et on achète les filles chrétiennes, hein, pour deuxième, troisième, quatrième, ben voilà, pour islamiser tout ça. Vous voulez dire qu'on achète, il y a de l'argent qui... Ben oui, qui vient. Qui sert à quoi alors? Oui. Construire des mosquées et puis... Construire des mosquées, aider surtout par les billets des commerces, hein, se répandre, hein, et aussi par l'argent de dot. Ils ont des confréries qui aident, hein, pour les filles qui étaient jeunes. Maintenant, ils sont épouses de musulmans. C'est ça, pour épouser. Ils sont obligés de suivre l'islam. Ils sont par force convertis. Mais pour vous, il n'y a pas de... Alors, comment faire pour qu'il y ait est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue à un niveau théologique ou à un niveau culturel? Il faut deux côtés pour dialoguer, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'étais appelé un chien chrétien, même quand je transportais un musulman à l'hôpital. Et j'ai transporté beaucoup de monde en tant que missionnaire à l'hôpital. Et je n'ai jamais demandé s'il est animiste ou il est chrétien ou il est musulman, parce que je traitais comme un être humain, hein, mon frère, hein, et ma sœur, et je transportais même gratuitement à l'hôpital, 150 km de piste. Voilà, c'est pour vous dire que parce que le christianisme, hein, ne pratique pas taquilla. Le christianisme, c'est taquilla, c'est. C'est-à-dire éthique situationnelle. Tout ce qui est bien pour l'islam, il faut le faire, même si c'est immoral. C'est le calcul qui compte, hein, calcul. Mais je ne m'élance pas dans cette discussion parce que. Non, parce que la question se pose à l'échelle. On voit bien, il y a les élections européennes dans quelques mois. Oui. Et. Il va sans doute y avoir, mais on peut pas le dire, mais en tout cas, c'est une inquiétude communément partagée que des partis populistes à la fois anti-migrants et anti-islam soient peut-être, ce qui serait quand même un moment de stupeur, soit peut-être pas forcément majoritaire, mais en tout cas très fortement représenté au Parlement européen. Mmh. Qu'est-ce que vous dites, vous, Monseigneur Gès? Vous dites que c'est une évolution normale ou... Un chrétien doit être clairvoyant. il ne devait combattre jamais quelqu'un. Il devait être toujours comme quelqu'un, mais clairvoyant de la situation. Parce que quand... moi, j'ai l'impression que... Il se comporte comme des communistes. Vous savez, la position des communistes, hein, c'est ce que j'ai vécu dans mon pays, est différente quand ils sont au pouvoir, quand ils partagent le pouvoir et quand ils veulent prendre le pouvoir. La position est complètement différente. C'est la même chose pour l'islam. Montrez-moi un pays musulman où les chrétiens... sont des citoyens qui ne sont pas citoyens deuxième catégorie ou ne sont pas persécutés aujourd'hui dans le monde. Mais je voudrais revenir quand même à l'indépendance. Mais oui, mais j'allais y venir aussi. Mais je vous emmène sur plusieurs terrains, hein, c'est pour ça. Hein. Oui, c'est parce que souligner un fait qui me paraît primordial, vous savez, et c'est qu'on ne parle pas. On ne dit pas ici en Europe occidentale, hein, que l'année 1920, la Pologne a joué un rôle très très important pour défendre l'Europe. Contre l'Union soviétique. Contre l'Union soviétique. La Russie bolchevique, pour être précis. Oui, la Russie bolchevique, parce que c'était comme disait un lord d'Abernon, la 18e bataille décisive du monde devant Varsovie en 1920. Parce que le projet russe, hein, était créer une fédération européenne communiste d'une union de républiques prolétaires d'Europe. Voilà, c'est-à-dire venir jusqu'au Portugal, envahir l'Europe. Hein, et c'est la Pologne encore une fois. C'était pourquoi encore une fois vous faites allusion à 1683, Sobieski à Vienne. Donc oui, la Pologne a été le rempart contre les Ottomans et contre les communistes, c'est ça, aussi, c'est aussi, ça aussi, que vous dites. Oui, oui. Il y a une bataille très importante puisqu'effectivement la Pologne a arrêté. C'était normalement ça devait être déferlement bolchevique russe et aussi spartakiste allemand. Qu'est-ce qui a fait que la Pologne l'a emporté contre la Russie bolchevique à ce moment-là, alors qu'elle va s'écrouler 20 ans plus tard contre les nazis? Je vais mentionner que la France, hein, par exemple, général Weygand, capitaine de Gaulle et beaucoup d'autres officiers, hein, par exemple, général Weygand a joué un rôle primordial dans la préparation de la bataille, de la Vistule. Oui, et c'était une alliance formidable. On nous a aidés, renforcés. La France a aidé la Pologne sa lutte contre l'expansion bolchevique. Piłsudski qui jouait un rôle. D'ailleurs, il proposait aussi une guerre préventive. Piłsudski contre les Allemands avant la Deuxième Guerre mondiale, déjà amorcée. C'est le héros moderne polonais, en fait. Aujourd'hui, non. Est-ce que c'est la figure de référence différence. Oui, oui, pas seulement lui, parce qu'il y avait Paderewski, il y avait aussi Dmowski, Vitos, général Haller, qui ici a réuni plusieurs dizaines de milliers de soldats qui sont partis après en Pologne, etc., et en France. Voilà, ça veut dire, Mgr Gèze, en fait, qu'il y a deux événements en un. Il y a à la fois le retour de l'indépendance et la bataille et la guerre qui a été menée pour maintenir la Pologne et l'Europe de l'Ouest à l'écart de l'invasion bolchevique. Oui, oui, c'est ça qu'on commémore, en fait, que vous commémorez. Aussi, oui. Et Allez-y. Non, je voulais juste donner la parole à Alban, parce qu'il y a une question sur les réseaux sociaux. On a posé la question, la France est-elle toujours aussi proche de la Pologne? Et Eugénie a réagi à vos propos. Elle se demande si la Pologne n'est pas un peu en retrait aujourd'hui par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport à la France. Est-ce que les liens sont un petit peu plus distendus aujourd'hui entre la France et la Pologne qu'ils ne l'étaient avant? Sûrement pas entre... J'ai l'impression... Parce que je côtoie tous les jours les Français, mes amis, et pour moi c'est la deuxième patrie. Je pense au niveau du peuple, non. Au niveau des politiques, et l'alliance franco-allemande, et il y a des écarts. C'est justement comme je viens de dire, il y a des poids et des mesures vis-à-vis de la Pologne qui résiste à cette politique générale que l'Union européenne mène aujourd'hui. Malgré... Avec ce couple franco-allemand. On est obligé de se quitter, Mgr Stanislas Gèze. Malgré, on remercie les personnes qui ont participé sur les réseaux sociaux à la question qu'on pose tous les matins aux grands témoins. On vous remercie d'être venus. C'est vrai qu'il y a quantité de sujets qu'on peut aborder à partir de l'histoire polonaise. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'à Notre-Dame de Paris, samedi prochain à 15h, il y a l'événement qui consistera... Alors évidemment, c'est la messe qui va inaugurer la chapelle dédiée à Notre-Dame de Częstochowa. C'est un événement important. Oui, c'est le cardinal André XXIII qui va célébrer la messe, donc qui sera là et qui va... Avec les évêques polonais, oui. Et c'est peut-être le message de notre émission ce matin, c'est de dire qu'au-delà de la politique, au-delà de tout ce qui peut diviser, eh bien, il y a une amitié entre les deux peuples. C'est ça qui compte aussi. Oui, c'est primordial. Merci d'avoir été avec nous. Depuis des siècles. Merci, Mgr Gèze.